There are two factors that we always need, two mental factors, and they are effort and aiming. Il y a deux facteurs mentaux qui sont nécessaires. C'est l'effort et aller vers le but, pointer, viser l'objet. Nous avons besoin de l'effort pour observer les objets qui vont apparaître dans notre esprit pendant la pratique. Quand nous pratiquons la méditation assise, nous observons l'objet primaire qui est le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Et nous essayons de suivre chaque soulèvement et chaque abaissement de l'abdomen. Alors, comment nous amenons l'attention? Nous essayons à placer notre attention sur l'abdomen pour attraper ce mouvement tout au début. Nous gardons l'attention pendant et nous essayons de le faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin du mouvement. Nous devons appliquer l'effort pour diriger notre esprit sur l'abdomen, parce que sans l'effort, notre esprit n'ira pas sur notre objet. Donc, c'est pour cela que nous devons faire ces efforts pour pouvoir attraper l'objet de notre focalisation. Donc, le deuxième facteur, nous avons besoin de viser notre objet. Donc, nous devons viser le soulèvement de notre objet, dans notre cas, le soulèvement de l'abdomen et l'abaissement de l'abdomen. Autrement, nous n'allons pas toucher, nous n'allons pas voir l'objet. Donc, à travers cet acte de viser, ça nous permet de pousser notre esprit vers l'objet et ça nous permet aussi de nous connecter précisément sur les mouvements de l'abdomen. Nous devons le faire quand l'abdomen commence à s'élever au début. À continuer de le voir au milieu et être là quand le soulèvement s'arrête, se dissipe. La même chose pour l'abaissement. Nous commençons au début, nous continuons au milieu et nous restons jusqu'à la fin. Comment nous pouvons comprendre comment faire, comment nous apprenons à viser et faire l'effort. Nous pouvons comparer ça, utiliser l'analogie de quand nous jouons au baseball ou au tennis. Donc, pour bien envoyer la balle, le joueur, il attrape bien la balle. Et après, il l'envoie avec beaucoup de force. De la même façon, nous essayons de bien, avec une force, nous essayons d'attraper notre objet et de rester bien, de viser bien notre objet qui correspond au fait d'envoyer la balle. Si vous comprenez que quand on apprend à jouer au baseball ou au tennis, c'est pas quelque chose de facile, Vous comprendrez aussi que dans la méditation, ces aptitudes, ces capacités sont à développer et ça prend du temps. Évidemment, c'est pas comme dans l'analogie qu'on essaie de pousser, de rejeter l'objet. En fait, c'est à l'opposé. Nous essayons avec notre esprit d'aller vers l'objet. Quand l'objet apparaît, nous allons vers l'objet. Nous essayons de mettre notre esprit à la place où ça se passe et au temps, au moment, exactement au moment quand ça se passe. Par exemple, quand il y a le soulèvement, nous essayons de placer notre esprit à l'endroit et au temps, exactement au moment quand le soulèvement se produit. Si nous regardons notre objet, par exemple, le soulèvement de l'abdomen avant que ça se produise, nous n'allons pas percevoir le soulèvement. Si nous le faisons après, de nouveau, il y aura pas, nous n'allons pas percevoir directement le soulèvement. Ce sera juste notre imagination. Donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire d'être là au moment quand le mouvement se produit. On n'a pas besoin de percevoir d'autres objets que le soulèvement et l'abaissement. Yes, we need to observe other objects, but excusez-moi, la question est, est-ce qu'on a besoin de voir d'autres objets que le soulèvement et l'abaissement? Oui, on a besoin de voir ces autres objets, mais nous nous entraînons en observant l'objet primaire. De cette façon, nous allons développer la capacité de voir tout ce qui vient à notre esprit et d'être conscient quand ça vient. Je voudrais aussi parler d'autres objets qui peuvent survenir quand nous regardons quand nous observons notre objet primaire, qui est le soulèvement et l'abaissement. Il y a trois niveaux sur lesquels nous observons les phénomènes physiques. Quand nous entraînons, nous apprenons à l'esprit d'observer les phénomènes physiques. Et le premier niveau, quand nous essayons de voir les phénomènes, c'est la forme. Si nous fermons les yeux, la première chose qui apparaît dans notre esprit, c'est la forme physique de notre corps. Donc, ce qui se passe quand nous observons, nous allons percevoir l'abdomen tel qu'il apparaît dans notre esprit. Donc, c'est la forme de l'abdomen. La même chose pour quand on marche. Donc, nous allons percevoir la forme des jambes. Et évidemment, quand nous marchons, il faut garder les yeux ouverts. En tout cas, tout ce que nous percevons pendant ces pratiques-là, c'est on est au niveau de la forme des jambes et du corps. Les simples formes, tels que les bras, le corps, les jambes, c'est les concepts au niveau conceptuel, on les reconnaît très facilement parce que nous avons l'habitude de le faire. Alors, au deuxième niveau, nous travaillons toujours avec les concepts. Là, nous travaillons avec la position du corps, par exemple. Quand nous sommes assis, nous percevons les différentes formes en lien avec le corps. c'est la partie supérieure du corps est droite, les jambes pliées, et nous reconnaissons ces formes clairement. Par exemple, si nous observons la respiration, quand nous inspirons, l'abdomen va s'étendre, s'expandre, il sera rond, il sera plein, et quand il s'abaisse, il va s'aplatir de la même façon. Il ressemble à un ballon. Et donc notre travail, c'est de reconnaître ces positions du corps. Si vous regardez sur l'écran, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la main. The hand now Et is maintenant, comment est la main? or Un poignet. open. Maintenant, ouvert. Okay. Nous savons, nous reconnaissons la main et après les différentes positions de la main. La main est ouverte, elle tourne, elle est fermée en poignet, etc. Les objets que nous observons sont comme ce stylo que vous avez vu sur l'écran, sur l'écran. Ces objets viennent et ils s'en vont, ils disparaissent. Donc on observe ces objets-là comme ça. Donc ce que nous faisons, nous essayons de garder, nous continuons à essayer d'observer les objets encore, encore et encore. Et nous allons voir ces objets de façon différente. Nous allons Nous allons viser l'objet, nous allons attraper l'objet et avec l'entraînement, notre façon de percevoir les objets va changer. En pratiquant, nous allons voir de plus en plus précisément les objets physiques. Nous percevons ces objets avec notre esprit. Nous allons percevoir les qualités des objets comme être serré, détendu, poussé, tiré, détendu, tendu, etc. Là, nous allons percevoir la vraie nature des phénomènes. Il nous faudra pas mal de temps pour commencer à percevoir cette réalité sans les concepts. Quand nous commençons à nous entraîner, au début, ce que nous percevons, c'est un mélange de formes des objets et de leur qualité. Mais plus l'esprit reste avec précision sur les objets, plus il perçoit clairement ces objets. Par exemple, nous voyons avec précision les objets. Par exemple, c'est définitivement dur, c'est définitivement serré, etc. Et quels sont ces types de véritables natures que nous pouvons percevoir? Quelles sont ces qualités matérielles que nous pouvons percevoir? On parle des quatre blocs, quatre éléments de matière qui sont les plus évidents. Quels sont ces quatre éléments. Nous commençons par la terre. La terre peut être dure, elle peut être mou, elle peut être rigide. Il y a toute cette palette de qualités que nous pouvons percevoir en commençant par la rigidité et qui va vers de plus en plus de douceur. Si vous sentez, vous essayez de toucher votre main, dans la main, les os sont durs, la peau est douce. Le deuxième élément, c'est l'élément d'eau. C'est la qualité qui correspond à l'élément eau, c'est de la fluidité et aussi de coller d'autres choses. C'est comme pour le pain, quand on fait notre pain, quand nous rajoutons de l'eau dans la farine, ça devient collant. Et aussi, il y a la qualité de fluidité. C'est par exemple quand il pleut ou quand nous pleurons, nous ressentons la fluidité de l'eau sur notre peau. Donc, c'est la deuxième qualité apparente des objets. L'élément suivant, c'est la chaleur. Donc, ça peut être quelque chose de chaud. Après, ça peut être aussi froid. Donc, c'est la température. C'est comme avec la respiration. Quand nous inspirons, c'est plutôt frais. Quand nous expirons, la respiration est plutôt chaud. Et ça varie d'un instant à l'autre. Et à la troisième caractéristique de la chaleur de cet élément, c'est la légèreté. Par exemple, quand nous soulevons notre pied ou notre jambe, elle est plus légère. Le quatrième élément, c'est l'élément de l'air. On voit son activité quand nous regardons les branches des arbres. Sous le vent, le vent pousse les branches. Mais aussi, on peut percevoir cet élément quand nous bougeons notre corps. Ça veut dire que l'élément se déplace à l'intérieur, ce qui permet le déplacement de notre corps. Et cet élément devient plus important quand nous bougeons. Et dans les Écritures, il est dit que cet élément nous permet de bouger. Par exemple, pousser, tirer. Nous pouvons donner l'exemple d'un ballon de basket. Si nous remplissons ce ballon, il sera dur et il manque de l'air, il sera beaucoup moins dur. Mais aussi, ce qui l'action de l'air, ça apparaît comme des vibrations. Et comme le calme, l'immobilité. Et j'ai oublié de rajouter que quand les choses sont lourdes, c'est à cause de l'élément eau. Nous ne pouvons pas percevoir directement ces quatre éléments tels que l'eau, la chaleur, la terre et l'air. Mais nous pouvons percevoir leurs caractéristiques. Nous commençons à percevoir ces caractéristiques quand nous développons la concentration quand notre concentration devient de plus en plus stable. Pour percevoir ces caractéristiques, nous devons essayer de continuer à pratiquer. De cette façon, nous allons percevoir la vraie nature des objets, et nous le faisons en essayant d'observer les objets à l'instant quand ces objets apparaissent. Nous essayons d'observer avec précision les mouvements de soulèvement, d'abaissement. Quand nous essayons de prendre un objet, et pour cela étendons notre bras, quand nous ramenons notre bras, quand nous faisons le pas avec le pied gauche, le pied droit, quand nous nous levons, quand nous nous asseyons, et nous essayons d'observer ces objets précisément. Quand il n'y a pas d'autres objets, nous essayons d'observer les objets primaires, comme par exemple quand on est assis, nous percevons notre corps, quand nous marchons, quand nous restons debout ou quand nous tournons. Donc vous avez beaucoup resté assis. Donc maintenant nous pouvons faire une session de questions-réponses, et vous pouvez aussi, si vous voulez, vous lever pour sentir moins la douleur. Et donc nous allons prendre 10 minutes à peu près pour les questions-réponses, et on vous demandera de formuler la question que en français, et je vais la traduire. Je vais essayer de tourner vers vous pour vous voir mieux. Comment nous pouvons percevoir ces quatre éléments? Ça viendra naturellement. Nous ne pourrons pas juste se dire « je vais voir ces éléments ». Ça viendra naturellement quand nous visons l'objet et quand nous faisons l'effort pour attraper l'objet. Nous ne pouvons pas imposer ça en se disant « je vais le faire ». C'est de la même façon que quand nous essayons de toucher notre main, nous sentons, nous ressentons la dureté des os, et nous pouvons aussi ressentir la douceur de notre chair. Pour donner un autre exemple, fermez les yeux, donc fermez votre poing et essayez de sentir comment commencer d'avoir un poing fermé. Essayez de fermer le poing très très fort. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Essayez de le serrer aussi fort que possible. Est-ce que c'est une bonne sensation? Est-ce que c'est agréable? Agréable. Is it good? Feels good. Est-ce que c'est agréable ou pas? Non. Si vous gardez votre poignet comme ça pendant un petit moment, vous allez vouloir probablement détendre votre poignet, et donc du coup vous pouvez ouvrir votre poignet, votre poing, pardon. Donc vous allez ressentir ce relâchement, vous allez voir la différence entre les deux. Si vous ne portez pas votre attention sur votre poing, vous n'allez pas voir ce qui se passe. C'est pour cela qu'il faut apporter cette attention, il faut porter cette attention sur le point que vous observez. Est-ce que ça répond? Moi, j'ai senti l'air aussi en avant. Est-ce que vous avez ressenti l'air quand vous ouvriez votre main, l'air ambiant qui était frais? Est-ce que c'était ça? Alors, ce que vous expérimentez le toucher, parce que vous touchez avec votre peau, vous touchez l'air. Donc, ça, c'est l'expérience de toucher. Vous ressentez que l'air est plus frais que votre main. Donc, vous expérimentez la fraîcheur. Effectivement, la fraîcheur de l'air, c'est lié à l'élément de température et le fait que nous reconnaissons cette fraîcheur. En fait, c'est parce qu'il y a un objet physique qui est la main qui touche un autre objet qui est l'air. Donc, il s'agit de toucher. De la même façon que notre postérieur touche notre coussin. Donc, quand un objet dur touche un autre objet. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir tous ces différents types d'objets. Ce n'est pas tellement les étiqueter en fonction des quatre éléments, mais juste percevoir ces phénomènes, ces caractéristiques, et c'est ce que nous essayons de développer, cette capacité de percevoir ceci sans spécialement les classifier. Est-ce que ça répond du subject? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce sujet-là précis? Nous avons besoin de ce support d'étiquetage. On peut comparer ça à la situation quand il y a un vigile, une vigile à l'entrée d'un concert. Donc, il va vérifier l'identité de la personne, il va regarder la pièce d'identité et donc il va lire le nom et ça lui permet de reconnaître la personne. Donc de la même façon, quand nous apposons un nom à un objet, ça nous permet de voir cet objet plus clairement. Quand nous donnons le nom, nous percevons l'objet mieux. Et ceci nous permet de développer plus d'attention et à notre niveau, quand nous commençons, l'étiquetage nous permet de voir plus clairement. Nous développons plus d'attention en identifiant les objets. Ça répond? Yeah, fine. Okay, good. Anything else D'autres questions? about the practice? Concernant la pratique. Can you make the difference between the mind and the mental consciousness? And when I'm talking about myself, about whom I'm talking? Donc, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Quand on dit moi, vous, etc., c'est que des concepts qu'on utilise. Ceci dit, ultimement, il n'existe pas de soi. Moi, je, c'est des conventions. Exactement comme on utilise des conventions mère, père, frère, sœur. Quand quelqu'un est habillé d'une certaine façon, on peut parler, on utilise la convention homme, femme. Concernant l'esprit, c'est la même chose que la conscience. C'est le fonctionnement qui connaît, qui perçoit les objets et son contenu va colorer son état. C'est les différents va colorer l'esprit, les différents états à l'intérieur de l'esprit, soi-disant, colorent l'esprit, la conscience. La conscience n'est jamais tout seul, n'est jamais sans ses états. Par exemple, la joie colore l'esprit. Ça, c'est la joie qui est un facteur mental, un événement mental va colorer notre esprit. Ou par exemple, l'état d'esprit de concentration, ça va colorer l'esprit. L'attention mentale ou la douleur, une sensation physique, ce sont des facteurs mentaux. Par exemple, si mon esprit à l'instant est plutôt en colère ou il est dans l'état d'avarice, ce sont tous ces états-là qui peuvent apparaître. Est-ce que ça répond? Je voudrais maintenant expliquer comment maintenir votre attention quand vous ne pratiquez pas la méditation assise ou la méditation en marche ou quand vous ne dormez pas. Je voudrais rajouter encore une chose. La première, c'est qu'il existe quatre postures de base que nous pouvons dans lesquelles le corps peut être pendant la journée. Donc, on peut être assis, on peut être dans la position stationnaire, on peut marcher et on peut s'allonger. Donc ça, c'est les positions principales, les plus importantes, desquelles il faut être, sur lesquelles il faut porter attention, être conscient. Par exemple, si nous sommes debout, on ne bouge pas, donc il faut être conscient de la posture de corps. Et si nous nous allongeons, il faut être conscient, il faut porter attention sur cet état-là. Quand nous marchons, il faut porter attention sur les jambes. Et quand nous sommes assis, pareil, il faut voir les différentes parties du corps. Dans la posture assise. Nous essayons d'avoir ces quatre activités quotidiennes présentes dans notre esprit. Par exemple, quand nous sommes en train de prendre la nourriture, nous essayons d'être conscients de cela. Parfois, nous sommes perdus, nous ne sommes pas conscients de ceci. Donc, pour revenir à l'attention, nous allons revenir aux quatre postures quotidiennes. Par exemple, en mangeant, nous sommes perdus, nous avons perdu cette attention. Donc, nous revenons aux quatre postures de base, nous rendons compte que nous sommes assis et ça nous permet de nous ancrer. Dans l'attention. Essayez de faire une seule activité, une seule action à la fois et essayer de bouger un peu plus doucement que d'habitude. Par exemple, si vous marchez et vous voulez fermer votre veste, arrêtez-vous, fermez votre fermeture éclair, et une fois que vous avez fini, là, vous pouvez continuer à marcher. Essayez de garder cette attention à chaque instant. Essayez de diriger votre esprit sur le corps. Ça vous permettra de vous ancrer dans la situation. Si votre esprit est parti ailleurs, ramenez-le vers ses actions, vers ses quatre postures du corps. Malheureusement, c'est un peu court, mais on a déjà, c'est déjà 1 heure et demie que nous sommes en train de discuter. Là, je voudrais arrêter cet enseignement. J'espère que ce soit bénéfique ce sera bénéfique le temps que vous avez pris pour participer à cette retraite. Et j'espère que en développant l'esprit, il deviendra votre ami si vous l'apprenez à méditer. Ça. Sadhu. Okay, so this is unfortunately very brief instruction, but we don't have, it's already been an hour and a half, the meeting. So I want to close for now. And I want to say that I hope you all will get the benefits of taking the time from your daily lives to attend this retreat and develop your minds. Your mind can be your best friend when you teach it to meditate. That's all for today. Sadhu, sadhu, sadhu.